B. 1. Bord. Beurre. 2. Sœur. Sort. 3. Dors. Dors. 4. Port. Port. 5. L'or. L'heure. 6. Seul. Sol. 7. Corps. Corps. 8. Meurt. Mort.